cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est la panique au monastère quand les démons font les fanfarons. Dans le sud de l'Allemagne, vers l'an 1200, ils sont nombreux à tracasser une communauté de moines. Une messe, une sieste, un repas, tout est l'occasion d'un piège démoniaque. Le livre des Révélations consigne tous ces tourments, l'occasion d'une étude passionnante, le cloître des ombres. L'historien se penche à la margelle d'un puissant fond d'archives de textes, d'images, de fragments archéologiques arrachés au passé, traces infimes ayant seul survécu d'un univers perdu de pensées, de paroles, de gestes et d'objets. Voilà ce qu'écrit Jean-Claude Schmitt dans ce cloître des ombres. Penchons-nous, nous aussi, à la margelle, nous allons voir le fond du puits. Jean-Claude Schmitt, bonjour. Bonjour. J'évoquais l'introduction de votre ouvrage, hein, le cloître des ombres. Vous l'avez reconnu. Non, mais j'insiste parce que c'est drôlement bien écrit. C'est toujours important, faut le dire, que les livres soient bien écrits. Ça se lit bien et c'est toujours un plaisir de lecture. Et historien que vous êtes, vous soulignez l'importance des sources. Mais alors là, vous êtes tombé sur une source absolument fabuleuse. Quelle est-elle? Alors, c'est un ouvrage en latin qui s'intitule, dans certains manuscrits, le Liber Revelationum, et qui a été redécouvert par un historien allemand, aujourd'hui disparu, il y a une dizaine d'années, que j'ai connu, et qui m'avait fait don de ce livre au moment de sa publication. Et dès la première lecture, j'ai été absolument subjugué par le contenu de cet ouvrage extrêmement original, dans un domaine bon, qui ne m'est pas inconnu, et je n'avais jamais rencontré de texte pareil. Donc j'ai eu vraiment l'intention, l'envie irrésistible de l'étudier. Et je me suis rendu compte que pour bien l'étudier, il fallait aussi le traduire. Ce qui n'est pas, a priori, pour un médiéviste que je suis, quelque chose de très difficile de lire un livre, un texte en latin. Mais le traduire, c'est une autre paire de manches. Et je me suis lancé dans ce double travail d'interprétation et en même temps de traduction, mot à mot, pour mieux comprendre le poids de chaque mot. Et dans cette entreprise, après avoir tenté un premier jet, je dirais, j'ai demandé à mon amie et collègue Gisèle Besson, qui est une éminente latiniste, de revoir ce texte, de le préciser, de compléter, ce qu'elle a fait avec beaucoup d'amitié et de compétence. Eh bien, ça tombe bien, Gisèle Besson est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste du latin médiéval, ça tombe drôlement bien, et vous avez travaillé avec Jean-Claude Schmitt pour essayer de nous faire saisir l'importance de ce texte, ce livre des révélations. Juste, pouvez-vous nous le présenter dans sa matérialité? Qu'est-ce que ce document? Vous l'avez vu, c'est un manuscrit, à quoi ressemble-t-il? Alors en fait, il y a plusieurs manuscrits parce que nous n'avons plus l'original, celui qui a dû être mis par écrit par le frère N quand il a entrepris de faire connaître, ou en tous les cas de noter pour lui d'abord toutes ces révélations. Il y en existe plusieurs copies médiévales, parfois un peu différentes l'une de l'autre. Et donc c'est un des premiers défis de cette source, que d'arriver à comprendre comment exactement elle fonctionne et en quoi les différences de texte de ce qui nous a été transmis peuvent donner des signes de l'intérêt que le frère N a porté à la bonne copie de son texte. Le frère N, l'auteur de ce texte, Jean-Claude Schmitt, mais qui est-il? Rien que ça, rien que cette signature par une lettre, participe au mystère. En fait, il n'y a pas vraiment de mystère. Et d'ailleurs, vous dites bien que l'auteur lui-même n'est peut-être pas la question la plus importante autour de ce texte. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'auteur. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas au Moyen-Âge. Il n'y a pas d'auteur en ce sens qu'il y a une communauté et que ce texte est le produit de cette communauté dans lequel il y a un personnage qui est nommé, qui est Richalm, qui à la fin de sa vie est l'abbé après avoir été deux fois prieur. Et c'est lui qui est le grand maître des mots dont on va parler. Et puis, il y a ce frère N qui ne se nomme jamais, sinon par cette initiale qui peut signifier « nomen », le nom, ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, vous dites ce n'est pas novice, ce n'est pas ce n'est pas novice, non. Alors que dans d'autres textes, on a un novice qui discute avec son maître, maître des novices ou abbé. Et là, non, parce qu'il est prêtre, il est un moine accompli et il est donc très compétent lui aussi. Mais il n'a pas le charisme, je dirais, que Richalm a d'entendre, de sentir, d'interpréter, de pouvoir même à la limite entrer en communication avec les esprits, qu'ils soient bons, les anges, ou le plus souvent mauvais, c'est-à-dire des démons. Justement, avec Richalm, où nous trouvons-nous ? Nous sommes au sud de l'Allemagne. Sud-ouest de l'Allemagne, c'est, disons, dans la région un peu à l'est de Stuttgart, pour bien situer les choses, pas très loin de Würzburg, c'est-à-dire dans le Württemberg aujourd'hui, et pas loin de la Franconie et de la Bavière. Dans une jolie vallée. Oui, c'est très important, la vallée. D'abord, Schöntal, ça signifie la belle vallée. Et c'est un nom très, très cistercien. Une des premières abbayes, la première même abbaye, fille de cette branche cistercienne de Morimont, qui est une des quatre filles de Citeaux, s'appelle Bellevaux, et qui est citée d'ailleurs dans ce livre. Bellevaux, donc ce serait la traduction de Schöntal, Bellevaux. C'est un nom très cistercien qui évoque une certaine esthétique de la nature, mais aussi l'idée du désert, du repli dans un coin de nature, sur une boucle de rivière comme ici, un fond de vallée. Et on peut constater cela pour toutes les abbayes cisterciennes qui existent encore. Oui, parce que ces abbayes cisterciennes sont des espaces qui sont dans toute l'Europe, hein. Il y a vraiment ce réseau très fort d'abbayes cisterciennes. Eh bien, justement, nous allons faire un tour dans une abbaye cistercienne. Celle-ci se trouve en Bretagne. Nous ne sommes pas à Paris aujourd'hui, mais plus précisément en Bretagne, dans l'abbaye de Mellerey. Et je vous remercie, Père Colomban, qui est le père abbé de cette abbaye, de nous accueillir si gentiment. Je sais que la radio et la télévision n'entrent pas dans votre silence, mais pour une fois, vous l'avez voulu, vous nous avez autorisé, et nous sommes très sensibles à votre accueil. Mon révérend père, j'ai quitté Paris ce matin, à 7h25, j'ai quitté le bruit et la fureur, j'ai pris un avion, qui était encore le bruit, je suis arrivé à Nantes, ensuite j'ai parcouru 50 kilomètres, c'est-à-dire les 50 kilomètres qui nous séparent de votre abbaye, et je suis entré dans le silence, et je dois dire que j'ai été surpris. Oui. Nous abordons, en entrant ici, dans une vie monastique, un autre monde, le monde de l'esprit, et j'allais dire le monde des esprits. Le monde des esprits. En 1974, Jacques Chancel, dans Radioscopie, se rendait dans une abbaye cistercienne en Bretagne. Il interrogeait l'abbé Colomban, qui évoque les esprits. Jean-Claude Schmitt, évidemment, tout ça évoque quelque chose d'évident chez vous. C'est intéressant, hein, de se dire que, en 1974, le monde des esprits est évoqué par un père abbé d'une abbaye cistercienne. Oui, je ne sais pas s'il l'entendait exactement de la même manière. L'esprit, c'est d'abord un mot, évidemment, qui a beaucoup de signification. Ça peut être le Saint-Esprit. Je pense que l'abbé devait d'abord penser au Saint-Esprit. C'est aussi l'esprit, l'âme de chacun. Et puis, c'est les esprits. Et dans le livre des Révélations, dont nous traitons, ce mot est employé à la fois pour les bons et les mauvais. Alors on dit les bons esprits, jamais ou une fois peut-être anges, alors qu'il s'agit de ça. Et puis les mauvais esprits qui sont eux plutôt appelés les démons. Et en fait, ils sont cousins, ils sont frères même, je dirais, les bons et les mauvais, puisqu'ils sont tous des anges déchus, hein, selon la Bible. C'est l'orgueil qui a fait chuter les anges du paradis céleste vers l'enfer. Et les anges qui se sont rebellés, qui sont donc les diables et les démons. Mais diable n'est pas non plus un terme fréquent dans ce livre, ce sont les démons, c'est-à-dire ce grouillement d'esprits qui sont absolument partout, qui sont des dizaines de milliers. Il cherche à un moment à les compter, naturellement il ne peut pas y arriver, et des dizaines de milliers qui vous entourent, qui se collent, qui adhèrent, comme il dit, adhèrent au corps, pénètre dans le corps, parle à votre place, vous interrompent quand vous essayez de parler, vous font faire des gestes incohérents et parfois indécents, et s'en prennent même aux cadavres qui, après la mort, continuent de bouger parce que les démons leur poussent un pied, un bras, une tête. Dans ce livre des révélations, c'est la consigne qui est mise en place de tout ce que font les esprits. Alors, vraiment du micro-détail, il y a mais vraiment un foisonnement autour de la présence d'esprits dans ce monastère. C'est même très perturbant. Que font les esprits ? Ils font des toutes petites choses parfois pour enquiquiner les moines. Ah oui, ils peuvent par exemple leur donner une voix rauque. Alors que la voix, bon, d'abord, on l'a entendu tout à l'heure, les moines ne parlent pas, on garde le silence, pas même à table, etc. Mais parfois, quand même, il y a la possibilité de parler. Il y a un sermon, par exemple, le père Abbé fait un sermon qui est même reproduit dans le livre. Et pendant le sermon, voilà que les démons interviennent et lui donnent une mauvaise voix, une voix rauque. Il est furieux, mais tout de suite, il comprend. Et que fait-il ? Bien, il fait le signe de croix pour les repousser. S'ils tousse, bien ça peut aussi être, enfin c'est un démon, non, on va pas mettre de conditionnel. Le moine qui s'endort pendant la messe, bing, et bien évidemment c'est un démon. Allez, extrait de ce livre des révélations. Quand quelqu'un se prépare pour la messe, les démons ont coutume de rappeler à son souvenir toutes sortes de mauvaises pensées, afin par là de le troubler, et d'apporter dans son esprit affliction, confusion et aigreur. Ils agissent ainsi même au moment de l'élévation du sacrifice, pour qu'ainsi, comme face à Dieu, les prêtres se croient indignes de communier. Hier, alors que ce frère untel était déjà au moment d'élever le corps du Seigneur, un démon s'écria : lui, il aspire à la fonction de maître. Lui, il serait volontiers maître. Et ils ont coutume de me lancer à la figure que j'accomplis cet office contre mon gré, et que je ne montre pas une parfaite obéissance et bonne volonté comme il le faudrait. Sandy Boisard, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lisait un extrait du livre des Révélations. Gisèle Besson, vous avez travaillé sur ce livre, donc vous en connaissez le vocabulaire, la structure. Et justement, en étudiant ce texte, vous pouvez saisir comment il a été construit. Ce n'est pas un texte linéaire d'un auteur qui se serait assis à une table et qui aurait raconté ce qu'il a vécu durant sa vie. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il se construit, ce livre. Non, en effet, et c'est une de ses difficultés. Le frère N explique qu'il a systématiquement noté les révélations que lui faisait Richalme, jour après jour. On a l'impression qu'il a accumulé une série de petites fiches, et dans l'état où le texte nous est parvenu, on obtient quelque chose qui est un peu une mosaïque d'éléments. Ce qui complique la compréhension du texte, puisque bien souvent, on enchaîne une histoire sur une autre, une révélation sur une autre, un récit de Richalme sur un autre, sans qu'il y ait ce qu'on aurait attendu d'un texte suivi, des marqueurs indiquant tel jour, à tel moment, sur tel sujet. Et donc, on passe de l'un à l'autre. Et l'une des difficultés a été, on en a beaucoup discuté avec Jean-Claude Schmitt au moment de la mise au point de la traduction, qui parle à ce moment ? Est-ce qu'on est dans la parole du frère N ? Est-ce qu'on est dans les paroles de Richalme ? Qui est le « je » qui parle à ce moment-là ? Et malheureusement, les manuscrits que nous avons encore ne sont pas sur ce point extrêmement clairs. Ce n'est pas clair, dites-vous, mais c'est sans doute l'œuvre du démon, une fois encore. Le cloître des ombres, c'est le titre de cet ouvrage qui paraît chez Gallimard, Jean-Claude Schmitt. Enfin, je dis cet ouvrage, mais non, deux pour le prix d'un. Le cloître des ombres, suivi du livre des révélations. Très bon achat, parce qu'on en a deux pour le prix d'un. Mais c'est surtout une histoire absolument passionnante. Jean-Claude Schmitt, vous êtes historien du Moyen-Âge, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous avez travaillé sur cet imaginaire complexe du monde. Moyen-Âge. Alors bien sûr, le cloître des ombres, mais pensée par figure du cercle divin au diagramme magique. Et puis on pourrait développer sur les rythmes au Moyen-Âge que vous avez publié également chez Gallimard. Ce document, ce livre des révélations, est un moyen formidable dans la démarche d'historien pour comprendre une communauté de moines allée au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. C'est une très belle source sur leur vie. Oui, voilà, l'historien peut travailler sur de grands sujets. Bon, vous avez bien voulu mentionner les rythmes, par exemple, ou les gestes, ou les revenants, enfin, qui ont été comme ça des points d'intérêt pour moi et qui m'amenaient à brasser beaucoup de documents, à réfléchir dans la longue durée et dans un espace très vaste. Et puis, de temps en temps, quelque chose de plus, non pas monographique, mais micro-historique, ce qui n'est pas la même chose. Micro-historique, c'est-à-dire, on part sur un lieu très précis, un moment très précis, à partir d'un document peut-être unique, mais qui révèle une richesse extraordinaire de contenu qui permet finalement de croiser tous ces grands problèmes que l'on connaît. Et de fait, je me suis un petit peu retrouvé comme dans un miroir dans ce livre des révélations, puisque j'y retrouvais tous mes vieux amis, c'est-à-dire les revenants, les gestes des moines, le langage, bien sûr, les manuscrits, etc., etc. Et voilà, à partir d'un document assez ample quand même, on peut trouver une sorte de concrétion de toute une culture. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire finalement, que sont ces démons? Que sont ces hommes? Quelles sont leurs relations? Qu'est-ce que ça signifie pour une culture, dans la longue durée, la civilisation médiévale? Qu'est-ce que ça signifie d'être ainsi contraint de vivre, confiné, au milieu de démons? Oui, parce que ce mot est là, celui de confiner, c'est la vie des moines. Et justement, dans ce que vous nous expliquez dans votre démarche d'historien, Jean-Claude Schmitt, il y a la volonté de saisir, eh bien, à partir de ce document, cette communauté cistercienne, ce qui est passionnant, et puis prendre du recul. Hein, je regarde des titres, des passages de votre ouvrage, mais « Brève histoire chrétienne des anges et des démons », c'est extrêmement généreux. Non, mais ça fait des rappels, ça permet d'avoir des points de comparaison, de positionnement, avec toujours cette question, mais ici, sommes-nous dans un cas extrêmement particulier, ou est-ce que cette présence des démons est quelque chose qui peut être généralisé pour le Moyen-Âge? Oui, je pense qu'on peut généraliser, mais le témoignage est particulier. Il ouvre une fenêtre comme nul autre, je pense, sur la culture médiévale. Pas seulement monastique, ce que j'appelle l'ontologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une personne, qu'est-ce que c'est que l'être au Moyen-Âge, et dans quelle mesure cet être ne se limite pas à la personne comme nous la concevons, mais possède des sortes d'extensions, en somme, qui sont les démons, et de points de contact avec le reste de la création, c'est-à-dire même les animaux, même les végétaux, tout cela entre en relation par la médiation, la forma, comme dit le texte, la forme des démons. Cette forme des démons, quelle est-elle? Qui sont ces démons? On les connaît? Ils ont des noms? A priori, pas tellement. Hein. Non, ils sont anonymes aussi. Beaucoup d'anonymes hein, dans ce texte. Ils sont anonymes, ils ne se nomment pas, mais entre eux, ils se connaissent bien. Et ils s'organisent. Et il y a, comme ils ont une multitude, il y a au moins deux classes. Il y a ceux qui sont tout près du corps, ceux qui adhèrent. Et puis, alors ceux-là, ils connaissent bien leurs clients, si j'ose dire. Hein. Il y a même une sorte de démon gardien, qui est le pendant, naturellement, de ce qu'on n'appelle pas encore à cette époque l'ange gardien, mais qu'on sent, enfin, qui est présent, l'ange gardien. Il y a aussi un bon esprit qui est gardien, qui est proche. Et puis, alors, il y a les autres, donc, qui sont tout autour et qui interviennent en permanence et qui, vraiment, multiplient les tortures, etc. Et puis, il y a une autre catégorie, alors, qui est un peu plus loin. Et entre eux, il y a des échanges, ils s'informent, etc. Alors, les autres sont plus sages, d'une certaine façon, une meilleure connaissance, mais pas la connaissance du sujet. Donc, ceux qui font l'expérience du moine untel, évidemment, en savent beaucoup plus sur lui que les autres. Oui, et puis alors, il y a des associations comme ça de démons. C'est impressionnant à lire hein, ce livre des révélations, parce que le démon d'un moine décide de s'associer avec le démon d'un autre moine, et puis ils partent et puis ils vont à la messe. Enfin, il y a une vie parallèle en fait des démons. Une hiérarchie, puisqu'ils sont organisés comme un monastère. C'est-à-dire qu'il y a un abbé, on dit même à un moment un évêque, et puis il y a des différentes catégories, comme les moines. Hein, donc ils ont des fonctionnalités également différentes. Voilà. Et puis, ou alors ça c'est une sorte de métaphore monastique et ecclésiale, et puis il y a aussi l'armée. Ils sont militaires, c'est-à-dire qu'ils sont organisés comme une armée extrêmement bien constituée, beaucoup mieux certainement qu'une armée féodale, et ils interviennent ainsi militairement et de façon particulièrement agressive. Et là, les pauvres moines sont confrontés à ces démons dans leur vie quotidienne, une vie rythmée par la prière. De l'abbaye d'Hauterive dans le cours de l'histoire sur France Culture. Jean-Claude Schmitt, le rythme de vie de ces moines est essentiel pour comprendre combien ces démons sont présents. Quelle lecture peut-on faire d'un tel document, le livre des Révélations, qui raconte comment les démons attaquent cette communauté de moines, pour analyser la vie des moines? Eh bien, le texte fourmille de renseignements très concrets, alors que ce n'est pas son but. Mais il entre vraiment dans les détails. Et donc, il est possible, c'est ce que j'ai tenté de faire, n'est-ce pas ? Il est possible de reconstituer, à partir de ce texte, l'espace dans lequel les moines vivent, avec bien sûr le cloître au centre, mais aussi le dortoir, l'église naturellement, puis cette église qui est partagée en deux, parce qu'il y a des converts chez les cisterciens, il y a des frères laïcs, qui ne sont pas dans le cœur des moines, des moines pleins, si j'ose dire. Ce sont eux qui sont dans la partie occidentale de l'église, et puis il y a un jubé, et dans la partie orientale, il y a les moines de cœur. Oui, il faut rappeler le jubé, ça, il y a une véritable barrière dans les églises, voilà, qui a disparu depuis, hein, il n'en reste pas beaucoup, non, mais ils étaient vraiment beaucoup, séparés. Au XVIIIe siècle, les jubés, les clôtures, etc., ont disparu, mais là, c'est très important, d'autant plus que c'est un axe également. Il y a un axe ainsi nord-sud qui se prolonge par le réfectoire des moines, qui est lui aussi est mentionné très souvent et qui recoupe l'axe est-ouest. Hein. On a donc une vraie croix dont le centre est le centre du cloître. Voilà, c'est tout cet espace-là. Et alors, bien sûr, on peut compter, en quelque sorte, les mentions, par exemple, du cloître, du dortoir, du réfectoire, pour voir quels sont les lieux, mais aussi les temps les plus importants. Pour les temps, c'est matine. Matine, c'est le milieu de la nuit. Et là, les moines doivent se relever pour aller à l'office de matine dans l'église. Et c'est vraiment le moment de la journée qui est le plus souvent mentionné, parce que c'est aussi le plus pénible, en fait, d'y aller. Oui, et là, il est question immédiatement de l'heure. Vous avez raison, hein, Jean-Claude Schmitt, de bien souligner combien cette histoire est une histoire de temps, est une histoire de lieu. Mais au moment d'évoquer le temps, apparaît le démon de midi. Mais le démon de midi, c'est pas du tout le démon de la quarantaine. Le démon de midi, pour les moines, c'est correspond d'ailleurs tout à fait à ce qui serait mon démon de midi. C'est le moment où la tension se relâche, et où le moine était enclin, ben, peut-être tout simplement à la sieste, mais plus grave que la sieste, peut-être à une sorte de distraction de ce qu'il est vrai véritablement, par cet excès, par cet excès de lumière. Mais la lumière, c'est la lumière aussi, le lux vitae, enfin la lumière de la vie, mais c'est en même temps le ténèbre. Et la nuit, et le soleil, et midi, etc. Midi, minuit, pour moi, midi ne se conçoit pas sans minuit, et minuit ne se conçoit pas sans midi. Patrick Grainville, prix Goncourt 1976, qui évoque ces démons de midi et de minuit. Alors justement, dans ce temps de la vie religieuse et ce temps des démons, vous avez ici, Jean-Claude Schmitt, un sujet passionnant, nous sentons qu'il y a cette question de rythme. C'est la règle de Saint-Benoît. Le rythme est essentiel, mais ce rythme pourrait être étendu à même une réflexion sur ce qu'est l'existence même, sur ce cycle de vie. Oui, en fait, il y a deux temps, deux temporalités dans la vie chrétienne, dans la conception chrétienne du temps, pour tout le monde, hein, et particulièrement pour les moines. Il y a un temps linéaire qui a une finalité, et cette finalité, c'est le jugement dernier. Et donc, on vit toujours dans cette perspective-là, dans ce temps de l'humanité, depuis la création et la faute originelle qu'il faut racheter, et racheter justement par la cèse, par la vie monastique et la prière, jusqu'à la fin des temps, et donc au salut éternel. Le moine, il vit cela au quotidien, mais il le vit dans un rythme cyclique, au contraire, hein, dans un rythme cyclique qui est celui de tous les jours, qui se tourne en boucle, qui se ressemblent tous, avec juste une exception pour le dimanche, qui naturellement est le jour du Seigneur, donc où il y a plus de choses, mais sinon, tous les jours se ressemblent, parce que tous les jours sont astreints à ce même rythme des heures canoniques ou des heures monastiques. Il y en a 8, qui commence à matine, dont je parlais, et qui ainsi jusqu'à... Alors midi, oui, c'est sexte, nonne, enfin c'est ce temps, il y a un temps de repos, mais qui n'échappe pas à la méditation et à la prière individuelle. Et puis il y a tous ces offices où les moines de cœur doivent revenir tous ensemble pour prier, chanter les louanges de Dieu, notamment à travers les psaumes. Voilà. Et pendant ce temps, les converts, eux aussi, sont astreints, mais pas tellement aux offices, certains seulement, mais surtout au travail manuel. Alors, tout le monde travaille manuellement, et ça, c'est caractéristique aussi des cisterciens qui ont voulu réagir par le travail manuel et le faire valoir direct de leur domaine contre les clunisiens qui vivaient des rentes paysannes. Tandis que eux, non, ils travaillent, mais bien sûr pas de la même façon s'ils sont moines de cœur ou s'ils sont converts. Converts, c'est vraiment les ouvriers agricoles. Les moines de cœur, bon, on va travailler dans les jardins à proximité. Une vie répétitive qui pourrait paraître monotone, mais heureusement, il y a les démons qui interviennent. Au moins, ça fait un peu de distraction. Gisèle Besson, vous avez travaillé sur ce texte, sur ce manuscrit. Là où il est passionnant aussi, c'est qu'il n'est pas destiné à être comme de nombreux textes extrêmement diffusés. Il y a dans sa conception même une idée qu'il faut mettre par écrit ce que l'on a vécu, tellement c'est important. Est-ce que vous le ressentez dans le vocabulaire, dans la forme d'écriture ? Alors, dans la forme d'écriture, on ne peut pas dire que le frère N ou Richalm, en fin de compte, s'exprime de façon très différente d'autres auteurs médiévaux. Mais on repère quand même un certain nombre d'éléments. Et l'une des choses qui est peut-être la plus marquante, c'est le fait que le frère N tienne absolument à rendre compte des paroles de Richalm avec une absolue exactitude, au point de se mettre en colère quand un des frères du monastère a dû sans doute faire une version pirate des révélations et qu'il n'a pas copié exactement les mots. Ce qui finalement, pour nous lecteurs et traducteurs, nous oblige à une extrême précision, parce qu'on sait que le frère N tient à ce que chaque mot précisément soit maintenu exactement pour rendre compte de ce qu'a dit Richalm. Et dans les échos d'un chapitre à un autre, dans des reprises de termes, dans la façon de présenter les choses, on sait qu'on a affaire à quelque chose d'extrêmement pesé, mesuré, et il fallait essayer d'en rendre compte. Ben vous l'avez très bien fait, Gisèle Besson, parce que c'est une lecture assez perturbante par la beauté de ce qui est raconté, la construction elle-même. Et puis, vous venez de l'évoquer, il y a aussi une histoire de la circulation même du document. Vous avez plusieurs sources, et ces sources montrent comment ce livre a été diffusé, alors comme il le fallait ou comme il ne le fallait pas. Oui, effectivement, puisque les différents manuscrits dont nous disposons ne sont pas tous strictement identiques, Et surtout, mais Jean-Claude Schmitt l'avait bien montré dans le livre, parce que le frère N précise d'une manière qui est vraiment, enfin, qui est d'un texte tout à fait exceptionnel, il précise qu'il a donc vu cette copie pirate et qu'il veut absolument la corriger. Ce qui nous montre que ces révélations, dont a priori on se dit qu'elles ont surtout circulé entre Richalm et le frère N, sont en fait partagées par d'autres moines du monastère et que leur intérêt est très grand puisqu'ils vont jusqu'à réaliser une copie non autorisée de ce que le frère N couche régulièrement par écrit. Oui, parce que ici nous avons ce qui est aussi une forme d'histoire culturelle extrêmement intéressante, d'imaginer qu'un texte produit dans une petite communauté, un monastère qui est fermé dans notre imaginaire, en fait, circule énormément, Jean-Claude Schmitt. Oui, ce trait dont vient de parler Gisèle Bessot est très important. C'est à ma connaissance le seul cas au Moyen-Âge où nous ayons en somme la copie authentique, c'est-à-dire légitime, et une copie inauthentique, pirate, le mot est peut-être un peu fort, mais il était habituel, n'est-ce pas, de corriger les manuscrits. C'est-à-dire que quand un scribe recopiait quelque chose, il y en avait un autre qui devait ensuite corriger, c'était le corrector. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, mais ce corrector a outrepassé sa mission. Et il a changé des mots. Parfois, il a donné, il a transformé le sens au point que l'autre en est furieux, pas, et ne reconnaît plus son texte. Et le fait d'avoir ces deux textes, alors pas complet pour le deuxième, mais on a en quelque sorte un travail de correction des preuves, comme on pourrait dire aujourd'hui quand on reçoit d'un éditeur un manuscrit qu'il faut corriger. On a les deux, et ça c'est unique. On sait que ça s'est produit dans d'autres occasions, mais en général on n'a pas la deuxième version. Et là, pour la première fois à ma connaissance, on a une deuxième version, on peut voir ce qui choque, ce qu'il faut corriger. Ça c'est aussi un des... Outre les démons, si vous voulez, c'est vraiment un des intérêts pour l'histoire culturelle de ce texte. Voilà. Intérêt du texte pour l'histoire culturelle et intérêt de votre étude aussi pour bien saisir ce que vivent ces pauvres moines du Moyen-Âge. Attention, les démons attaquent. Le dossier que nous allons ouvrir ensemble n'est pas un dossier comme les autres. Les images que nous allons vous montrer sont difficiles à soutenir. Elles ne sont pas à conseiller aux enfants et aux personnes sensibles. C'est une histoire d'exorcisme. Mais toutes les séquences ont été réellement vécues. France Culture. On ne s'en doutait plus. Mais le maître des enfers a toujours droit de citer dans nos villes et surtout dans nos campagnes. Discrète en Italie, en Allemagne et en France, la guerre contre le diable est beaucoup plus publique ailleurs. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Oui, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnel. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à la visite d'une bande de démons, enfin une sacrée bande, ils sont très très nombreux chez des moines cisterciens. Jean-Claude Schmitt, dans cet extrait d'un journal télévisé de 1976, nous entendions parler d'exorcisme. Et bien sûr, dans notre imaginaire, le démon fait venir un exorciste, enfin, provoque la venue d'un exorciste. Nous ne sommes pas du tout dans ces considérations-là. Non. L'exorcisme est, d'abord, c'est un grand modèle du Christ lui-même, exorciste. Hein, il libère des possédés du démon, des énergumènes, et il procède par sa parole, par ses gestes, de façon à faire sortir un ou plusieurs diables ou démons d'un possédé. Hein. Dans le cas de Richalm et de ce livre des Révélations, j'ai évité de parler de possédé en ce sens. Parce que l'énergumène, c'est quelqu'un qui est tellement possédé, qui se roule par terre, qui pousse des hurlements, qui est échevelé, etc. Et ce n'est pas le cas de Richalm lorsqu'il est agressé par les démons. Il est agressé, il les reçoit, y compris dans son corps, mais il maîtrise la situation. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est son propre exorciste, et par ses paroles, par ses bénédictions, et par surtout les signes de croix qu'il fait de façon démultipliée appliquer sur son corps même, n'est-ce pas ? Il dit, à un moment, il recommande à l'autre de faire 30 signes de croix. Donc, partout, il se couvre de croix pour repousser les démons. Donc, il n'est pas possédé, mais il est obsédé, c'est-à-dire, au sens propre, assiégé par les démons, mais il repousse le siège. Oui, il repousse et il faut faire vraiment preuve de grande vigilance car les démons sont rusés. Comme un frère faisait quelque travail de ses mains, il entendit un démon lui dire avec hypocrisie « Tu es un homme bon, tu es un homme bon. » Et lui, qui comprenait qu'il le trompait, répondit « Le diable ne m'en punira que moins. » Et comme le démon comprenait qu'il était découvert, il dit en colère « Tu dis vrai, infâme fils de pute. » Sandy Boisard qui nous lisait l'extrait de ce livre des Révélations où les démons disent des gros mots. Ça ne nous étonne pas beaucoup, enfin, quoique quand même. Mais enfin si, on est un peu quand même dans cette grande lignée de la lecture du démon qu'on retrouve jusqu'au film de Fred King, hein, l'exorcisme qui dit aussi beaucoup de gros mots. Mais surtout ce que nous entendons dans cet extrait, c'est que le démon est extrêmement rusé. Ce qui signifie que pour le moine, la vie doit être un enfer. À tout moment, il entend des démons, sa vie est ponctué par cette intervention démoniaque, Jean-Claude Schmitt. Oui, il est rusé parce qu'il se présente comme un bon esprit. Il propose, disons, une bonne action, où il flatte, il tente, il flatte l'orgueil du moine et essaie ainsi de l'induire en tentation et de le faire chuter. Mais donc il faut une vigilance toute particulière. Ah ouais. Ça doit être infernal pour la vie des moines. Non, mais c'est vrai, quand on lit ce livre des Révélations, c'est à tout moment, sans cesse. Évidemment, l'historien que vous êtes fait intervenir toutes les études possibles pour comprendre comment, à ce moment-là, dans cette communauté-là, ce qu'il s'est passé pour étendre la réflexion sur l'ensemble de la société médiévale. Quels sont les éléments que vous mettez en place pour saisir cette peur constante des démons ? Alors, le confinement, déjà. Oui, certainement. Ceci est très important parce que on ne sort pas du monastère, sinon exceptionnellement, avec autorisation de l'abbé ou du prieur. Et donc, on vit les uns sur les autres en permanence. Il y a le dortoir, d'abord. Le dortoir, donc on là aussi, le texte le dit, c'est pas, on entend les ronflements du voisin. Donc déjà, ça énerve, ça irrite, etc. Et puis, en plus, les démons sont là, entre les lits. Chacun a son lit, mais ce qui n'était pas toujours le cas au Moyen-Âge, hein. Mais chacun a un lit individuel, mais très proche du lit voisin, et donc les démons passent de l'un à l'autre, etc. Donc il y a ça, et puis dans la journée aussi, on n'est jamais seul. C'est pas comme les chartreux qui ont des petites cellules, des petites maisons à l'intérieur du monastère. Ici, non. La nuit, le jour, ils sont ensemble, au réfectoire, ils mangent ensemble, à l'office, ils prient ensemble, et on sent bien à travers entre les mots, si vous voulez. Parfois c'est dit plus explicitement, mais c'est surtout toute une ambiance. On sent bien l'irritation qui provient de cette vie commune. Et naturellement, les démons en profitent. Ben oui, évidemment, tant qu'à faire. Oui, puis Jean Cauchemitte, vous nous dites bien, ils vivent les uns sur les autres. On pourrait parler d'abstinence aussi, abstinence sexuelle, enfin, une communauté d'hommes. Est-ce que cela est souligné ? Est-ce que les démons sont là aussi pour tenter de manière charnelle ? Oui, alors bien sûr, ils sont là aussi. Même si le texte, à un moment, dit que la luxure n'est pas peut-être le vice principal. Hein, il y a plutôt l'orgueil. Ce qui est normal, d'ailleurs, superbia, l'orgueil, c'est superbe, donc c'est la mère des vices. Hein, et c'est ce qui a entraîné le péché originel. Donc, mais on lui donne très souvent, et dès le péché originel, une connotation plus sexuelle. Et là aussi, c'est le cas. Alors, par exemple, il y a le moine qui a la vision d'un démon qui vient se poser sur son sexe. Voilà. Et donc, il est très embarrassé, il le dit, etc. Il y a peut-être aussi, mais c'est vraiment très discret, mais une tentation homosexuelle, ce qui est normal, hein, étant donné que c'est un monde uniquement d'hommes. Et cela dit quand. Et alors cela se manifeste au moment de la tonsure, puisque c'est Richalm qui tond, c'est-à-dire qui rafraîchit la tonsure de ces moines. Et pour l'un, eh ben il passe la main sur la tête. On sent qu'il y a des sentiments qui s'expriment, etc. Mais c'est dit. C'est d'autant plus intéressant. C'est dit avec beaucoup de doigté, beaucoup de discrétion, mais on peut, je pense, en déduire qu'il n'était pas tout à fait indifférent à ce moine-là. La lecture de ce livre des Révélations, effectivement, est tout en subtilité. Nous sentons qu'il y a ce sous-texte que vous décryptez, hein, Jean-Claude Schmitt. Et d'ailleurs, j'utilise ce mot « livre des Révélations », mais vous écrivez que vous préférez utiliser « Liber Revelationum » pour que le lecteur moderne n'oublie pas à quel point le médium linguistique a de l'importance. Oui, c'est important, c'est en latin. Écoutons du latin, ça tombe bien, c'est Saint Bernard. Manus sancte, vos aveto, rosis novis adimplete. Os adramos dure joncte, tot gutis decurrentibus. Ô sainte main, je vous salue. Main pleine de roses nouvelles, vous si durement crucifiés, vous de clous si cruels troués. En larges gouttes de chacune de vos mains, le sang coule à flots, sang plus vermeil que les roses. Ô prix sacré du grand salut. Ô main de clous perforés, ô main de sang tout empourpré, de tout mon cœur en fol amour, je bois d'une bouche altérée la profusion du sang sacré. Un texte de Saint Bernard, Saint Bernard Clairvaux, donc c'est pas n'importe qui dans notre discussion, parce que c'est lui qui est à l'origine de ce mouvement cistercien. Gisèle Besson, nous avons entendu ce texte en latin, puis sa traduction. Je ne demande pas si la traduction était bonne, parce que vous seriez capable de trouver des nuances à apporter. Justement, au moment de traduire ce livre des Révélations, en tant que lecteur, j'ai été surpris par ce côté très malin, assez passionnant en fait. On se laisse captiver par cette narration. Vous, en tant que traductrice, vous arrivez à vous plonger aussi dans ce texte, dans cette beauté particulière, en tout cas narrative, on est curieux. Oui, c'est vrai que c'est un texte absolument fantastique, dans tous les sens du terme peut-être. En tous les cas, effectivement, à la lecture, c'est une langue intéressante, c'est une belle langue. C'est une langue aussi qui ne se refuse pas d'utiliser éventuellement un mot plus populaire ou, par exemple, de rappeler que, bien entendu, on est en contexte germanophone et que, par exemple, les exclamations ne sont pas un « et ou » latin très classique, mais un « ach » tout à fait allemand. Donc, on sent aussi l'écriture même, dans la langue même, des éléments du contexte linguistique allemand qui participent de l'intérêt évident de cette langue. Oui, intérêt évident de cette langue, intérêt évident de cette source. Jean-Claude Schmitt, l'ouvrage s'intitule « Le cloître des ombres », publié chez Gallimard. Le cloître, bon, lieu essentiel dans un monastère, il aurait pu s'intituler « L'infirmerie des ombres » aussi. Tant l'infirmerie est un lieu important pour ces moines et pour les démons aussi. Oui, c'est un des lieux les plus souvent cités. Et donc, on en peut en déduire qu'il a un rôle très important. Les moines, Richalm le premier, sont souvent malades. Et donc, ils vont à l'infirmerie, dont on connaît très bien l'emplacement, hein, qui est un peu en dehors des bâtiments centraux du monastère, mais facile d'accès. Et là, il y a un certain relâchement de la discipline, c'est-à-dire qu'on peut parler un peu plus, etc. Et on sent que certains moines en profitent, et naturellement les démons interviennent dans ce sens. Voilà. Mais l'infirmerie, ça peut être aussi l'antichambre de la mort. Et la mort, c'est dans un monastère, c'est évident la mort d'un membre du monastère. Donc tout ceci a beaucoup d'importance aussi. Le corps est rapporté dans le cœur, Et là, bien sûr, il y a les funérailles. Et puis ensuite, on le sort par une porte particulière qui va vers le cimetière. Voilà, c'est tous ces détails qui sont passionnants. Mais passionnants et en écho à notre temps, parce que nous évoquons le confinement, nous évoquons l'infirmerie, la maladie. Et vous, Jean-Claude Schmitt, évidemment, médiéviste, vous regardez le présent et vous êtes obligé de faire un lien entre ces démons. Qui sont les démons actuels ? Le virus ? Vous savez, d'abord, l'historien, c'est toujours l'historien du présent. On est historien de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, mais on est d'abord historien du présent. C'est-à-dire que c'est à partir du présent que l'on réfléchit par différence à des cultures différentes. Et donc, en effet, j'ai été très frappé. Il se trouve, c'est fortuit, naturellement, si j'ai fini ce livre au moment où commençait cette pandémie. Mais tout de suite, j'ai été saisi par la proximité, c'est-à-dire la question du confinement, naturellement. Alors, ce confinement familial, et confinement monastique, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, on est là. Et puis ce virus qui adhère lui aussi à nous, qui rôde par-ci par-là, qu'on ne voit pas, mais dont on sent la présence et qui de temps en temps, hop, choisit sa cible. Et voilà exactement ce qui se passe avec les démons, ce qui évidemment ouvre des horizons sur ce qu'est un virus pour nous aujourd'hui, d'un point de vue vraiment anthropologique, mais aussi ce que sont les démons pour les moines du Moyen-Âge. Ces démons des moines du Moyen-Âge, ils sont assez taquins en vérité. Je ne sais pas comment vous les percevez, on n'a pas envie de les rencontrer plus que Sam Jean-Claude Schmitt. Ils sont assez amusants. Oui, il y a des aspects assez humoristiques. Il y a une, ils manient l'ironie, ils savent rire, se moquer, etc. Mais bien sûr, ce sont les moqueries aussi entre les moines hein, qui s'expriment ainsi à travers les démons. C'est-à-dire qu'entre les moines, il y a des fortes tensions, je l'ai dit. Plus ou moins exprimé, mais des railleries, des jalousies, et qui sont évidemment pas normales, mais n'empêche qu'elles sont là en permanence, et c'est ça, en somme, l'expression aussi des démons. Eh bien, c'est en cela que ce livre est passionnant, hein, Le cloître des ombres, par vous, Jean-Claude Schmitt, et puis avec Gisèle Besson, pour lire ce livre des révélations, parce qu'il y a l'histoire de ce livre, il y a l'histoire de la circulation des documents, de la mise en place de ces textes, et puis après, on peut étendre ça à cette vision de la société médiévale en partant d'un monastère du sud-est de l'Allemagne. Merci vivement à vous, Jean-Claude Schmitt, de nous avoir fait visiter ce cloître des ombres. Merci aussi à vous, Gisèle Besson, et nous retrouvons maintenant Anaïs Chien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Quelle bonne idée, vous nous parlez du nouveau magazine proposé par Patrick Boucheron et diffusé sur Arte. Quelle belle chaîne, un magazine qui aborde l'histoire par le prisme des objets. Dans le nouveau magazine d'Arte consacré à l'histoire, intitulé sobrement « Faire l'histoire », Paulin Ismar retrace l'histoire de l'ostracon, un objet de rien en apparence, un disque de 20 cm, mais fondamental dans le fonctionnement de la vie politique de la Grèce ancienne. L'ostracon est donc un déchet précieux, un fragment de poterie qui nous raconte comment les Grecs dans l'Antiquité s'assuraient que leurs élus s'engagent à remplir correctement leurs fonctions. C'est sur ce morceau d'argile qu'était inscrit le nom de celui qui avait fauté, une inscription synonyme d'ostracisation, l'expulsion et l'exil de ceux qui avaient mal gouverné ou qui avaient montré un comportement jugé inapproprié. L'histoire de la sanction politique à Athènes au 5e siècle. En même temps, l'ostracisme nous rappelle qu'au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, il y a l'idée de ce peuple souverain qui exerce un contrôle absolu sur sa classe dirigeante. Étudier l'ostracisme et plus largement la démocratie athénienne, c'est aussi faire l'expérience de la dissonance ou d'une dissonance entre ce qu'a été la démocratie ancienne et notre propre conception de la démocratie. La démocratie, lorsqu'elle s'invente au 5e siècle avant notre ère à Athènes, se construit contre la possibilité du retour de la tyrannie. Contrôler ceux qui gouvernent est alors devenu un enjeu majeur du fonctionnement du régime. Les magistrats de l'Ecclésia, l'assemblée de 30 000 citoyens qui légifèrent, votent chaque année en janvier pour décider si certains Athéniens méritent une sanction pour leur comportement nuisible à la démocratie dans l'année passée. Lorsqu'un citoyen mérite une sanction, il est exclu de la cité, son nom gravé sur un tesson, ce qui lui indique la porte de sortie pour 10 ans, sans possibilité de se défendre.